Chapitre 3e. Autre scène d'amour. Il y avait à la cure une autre personne dont les sentiments, dans cette malheureuse affaire, méritent d'être analysés avec quelque attention. M. Arabin avait appris de son ami le mariage probable d'Eleanor et de M. Slope avec stupéfaction, mais sans incrédulité. Nous avons dit qu'il n'était pas amoureux d'Eleanor. Cela avait été vrai jusqu'à cette période de notre histoire. Mais aussitôt qu'il entendit dire qu'elle en aimait un autre, il commença à l'aimer tendrement lui-même. Il ne se dit pas qu'il la désirait pour femme. Il n'avait jamais pensé à elle et ne pensait pas alors à elle par rapport à lui-même. Mais il éprouva un indéfinissable sentiment de regret profond, un souci cuisant, un découragement insurmontable et une sorte de remords de n'avoir rien fait, lui, M. Arabin, pour empêcher un autre, un méprisable personnage, de conquérir un prix inestimable. Quiconque peut avoir vécu dans le célibat jusqu'à l'âge de 40 ans, sans éprouver aucun de ses sentiments, doit avoir exercé sur lui-même un grand empire ou avoir un cœur de glace. M. Arabin n'avait jamais eu l'idée d'orienter ses voiles de façon à convoyer ce précieux chargement. Il avait vu que Mrs. Bold était belle, sans songer à s'assurer la possession de cette beauté. Il savait que Mrs. Bold était riche, mais il ne pensait pas plus à s'approprier cette richesse que celle du docteur Grantly. Il avait découvert que Mrs. Bold était intelligente, sensée, affectueuse, qu'elle avait toutes les qualités qu'un homme peut désirer chez sa femme. Mais plus ses agréments ou ses mérites étaient grands, plus il recommandait la femme, moins il s'imaginait qu'il lui fût possible de prétendre à en être l'heureux possesseur. Cette humilité, cette défiance de lui-même, était instinctive plutôt que raisonnée. Et voici qu'il allait être récompensé dans son humilité en voyant cette femme, dont la beauté était parfaite à ses yeux, dont la richesse était assez grande pour l'avoir détournée de penser à elle, dont le veuvage encore assez récent eût suffi pour imposer le silence à sa délicatesse, en la voyant devenir la proie d'un Obadiah Slope. Le matin du départ de Mrs. Bold, il monta à cheval pour aller à Saint-Évold. Il essaya de recueillir ses esprits, de penser à sa paroisse, à son collège, à sa religion même, mais en vain. L'image de Mrs. Bold était devant ses yeux. Ce qu'il faisait souffrir, ce n'était pas qu'elle épousât un autre que lui. Il ne s'était pas posé en prétendant. C'était qu'elle pût épouser M. Slope. Il arriva à la cure. Les changements nécessaires se faisaient rapidement. Il parcourut les pièces, monta et descendit plusieurs fois l'escalier et erra dans le jardin, mais sans s'intéresser à rien. Il s'arrêta à chaque fenêtre pour penser à M. Slope, pour se rappeler aussi qu'à ses fenêtres, peu auparavant, il avait causé familièrement avec Eleanor. Il se souvint de son intelligence attentive, de ses réponses modestes mais vives, de l'intérêt qu'elle montrait à tout ce qui concernait l'Église, à tout ce qui le concernait lui-même. Et alors, frappant un coup de sa cravache sur l'allège de la fenêtre, il se déclara lui-même qu'il était impossible qu'Eleanor Bold épousât M. Slope. Et pourtant, il n'eut pas la conviction absolue qu'il aurait dû avoir que ce mariage était impossible. Il aurait dû comprendre et apprécier assez Eleanor pour se faire cette conviction. Il aurait dû reconnaître qu'une âme comme la sienne devait se révolter contre une semblable dégradation. Mais, comme beaucoup d'autres hommes, il manquait de confiance dans les femmes. Il se répéta à lui-même que Mrs. Bold ne pouvait devenir Mrs. Slope, et il continua à croire qu'elle le deviendrait. Il parcourut ainsi le jardin tout entier dans cette pensée, irrité contre lui-même et contre tout le monde, et nourrissant une secrète animosité contre M. Slope. Ce n'était pas bien. Il le sentait et le savait, mais il ne pouvait s'en empêcher. En réalité, M. Arabin, à son insu, aimait maintenant Mrs. Bold. Il avait 40 ans et il ignorait son amour. Sans avoir rien fait de bon à Saint-Évold, il remonta à cheval pour revenir à Plumstead, beaucoup plus tôt que d'habitude, poussé, sans qu'il se l'avouât à lui-même, par l'espoir de revoir Mrs. Bold avant son départ. Eleanor n'avait point passé une matinée agréable. Elle aussi était mécontente de tout le monde, surtout d'elle-même. Elle sentait qu'elle avait été injustement traitée, mais en même temps qu'elle n'avait pas été adroite. Elle aurait dû montrer qu'elle était trop au-dessus du soupçon pour opposer aux insinuations de sa sœur, et à la réprimande de l'archidiacre autre chose que la plus parfaite indifférence. Ce n'était pas ce qu'elle avait fait. Elle avait montré de la colère, elle avait honte de son emportement, mais ne se sentait pas capable de se donner l'apparence du calme. Elle avait passé seule la plus grande partie de la matinée. Après un certain temps, son père était venu la retrouver. Il était résolu, quoi qu'il arrivât, à ne point se détacher de sa plus jeune fille. Ce fut pour lui une tâche difficile que de se réconcilier avec l'idée qu'il se verrait peut-être un jour président à la table de M. Slope, mais il vainquit sa prévention. M. Slope, se remontrait-il à lui-même, était un homme et un prêtre honorable. Et lui, comme père d'Éléanor, n'avait en aucune façon le droit de refuser son consentement à ce mariage. Il brûlait du désir de dire à sa fille qu'il était déterminé à la préférer à tout le monde, qu'il était prêt à admettre qu'elle n'avait pas tort, qu'il différait entièrement d'opinion avec le docteur Grantly, mais il ne put se résoudre à prononcer le nom de M. Slope. Peut-être y avait-il encore une chance qu'ils se trompassent tous dans leurs conjectures, et prenant prétexte de ce doute, il se persuada qu'il valait mieux ne point traiter encore ouvertement ce sujet. Il était assis avec elle dans le salon, le bras passé autour de sa taille et lui disant de temps à autre un mot d'affection, quand M. Arabin entra dans la pièce. M. Harding se leva aussitôt, et les deux hommes échangèrent quelques paroles banales, tandis qu'Éléanor restait assise sur le sofa, silencieuse et ne cherchant pas à dissimuler sa mauvaise humeur. M. Arabin était compris dans la liste de ceux qui avaient excité sa colère. Lui aussi avait osé parler de ses relations avec M. Slope. Lui aussi avait osé la blâmer de n'être pas l'ennemi de l'homme qui était son ennemi à lui. Son intention n'était pas de le voir avant son départ, et elle était peu disposée à se montrer gracieuse. En voyant Éléanor, M. Arabin sentit qu'il ne réussirait pas à prendre le ton gai avec lequel d'habitude il affirmait ses idées et contredisait les siennes. Il n'était pas depuis 2 minutes dans la pièce qu'il comprit qu'il avait eu tort de revenir, et quand il entendit sa voix, il aurait voulu pouvoir se transporter tout à coup à Saint-Évold. Quelles idées, quelles paroles pouvait-il échanger encore avec la future femme de M. Slope ? « Je suis fâché d'apprendre que vous nous quittez si tôt, » dit-il, cherchant en vain à prendre sa voix ordinaire. Elle murmura en réponse quelque chose où il était question de la nécessité de son retour à Barchester Store, et elle se remit activement à sa dentelle. Nouvel échange entre M. Harding et M. Arabin, de banalités péniblement trouvées, péniblement exprimées. Profitant d'un moment de silence, M. Harding s'esquiva, laissant en présence Éléanor et M. Arabin. « Vous allez emporter avec vous le plaisir de nos réunions, » dit-il. Éléanor murmura encore quelque chose d'inintelligible et tint les yeux fixés sur son ouvrage. « Nous avons passé ici un mois bien agréable, moi du moins, et je suis triste d'en voir venir la fin. Mon séjour a été déjà plus long que je ne le voulais. Il est temps que je retourne chez moi. Hélas, il n'est si belle fête qui ne doive finir. C'est pitié que, de tant de jours que nous avons à vivre, si peu soit vraiment agréable. Ou peut-être, c'est pitié qu'hommes et femmes s'ingénient à détruire l'agrément de leur vie, » dit-elle en l'interrompant. « C'est pitié qu'il y ait si peu de charité dans le monde. » « C'est dans la maison qu'il faut l'exercer d'abord, » dit-il. Et il allait commencer à expliquer qu'un prêtre ne pouvait être charitable au détriment des principes que son devoir lui ordonnait d'enseigner. Quand il se rappela qu'il serait au moins inutile de discuter sur cette matière avec la future Mrs. Slope. « Mais vous allez nous quitter, » dit-il, « et je ne voudrais pas, dans ces derniers moments, vous ennuyer d'un serment. Je crains de vous en avoir fait trop souvent. » « Vous devriez mettre vos préceptes en pratique, monsieur Arabin. » « Sans aucun doute, je le devrais. Tous, nous le devrions. Nous qui prêchons les autres, nous sommes tenus aux plus énergiques efforts pour conformer nos actes à nos paroles. » Je reconnais humblement que je n'y suis pas toujours arrivé. Mais je ne vois pas trop à quoi vous faites allusion. Avez-vous quelque raison particulière de me dire maintenant que je devrais agir comme je parle ? Éléanor ne répondit pas. Elle aurait vivement désiré lui faire connaître la cause de son irritation, lui reprocher d'avoir parlé d'elle avec si peu de respect, le pardonner enfin et le quitter en ami. Elle sentait qu'elle souffrirait ensuite de s'être séparée de lui, ayant au cœur ce sentiment mauvais. M. Arabin lui avait inspiré trop d'amitié pour qu'elle voulût le quitter ainsi. Et pourtant, la seule chose qui put calmer sa vive irritation, c'était une explication, un aveu qui lui ferait de son injustice, une assurance qu'il ne pécherait plus ainsi contre elle. « Pourquoi me dites-vous que je devrais conformer mes actes à mes paroles ? » répéta-t-il. « C'est ce que tout le monde devrait faire. »« Certainement, c'est chose entendue. » Mais vous ne dites pas cela à tout le monde, à tous les prêtres. Cet avis, excellent d'ailleurs, vise chez moi quelque action particulière dans laquelle j'ai manqué au précepte. Si vous voulez me dire quelle elle est, je ferai tous mes efforts pour profiter de votre leçon. » Elle garda quelque temps le silence, et regardant bien en face son interlocuteur. « Vous avez peur, monsieur Arabin, de me parler nettement et ouvertement, et vous voulez que moi, une femme, j'ai cette hardiesse que vous n'avez pas. Comment avez-vous pu me calomnier auprès du docteur sans que je fusse là pour répondre ?»« Calomnier ? » dit-il, le sang lui montant au visage. « Quelle calomnie ? Si je vous ai calomnié, je vous en demanderai pardon. À celui aussi auprès de qui je l'aurais fait, et à Dieu. Mais en quoi vous ai-je calomnié auprès du docteur Grantly ?» Ce fut au tour d'Éléanore de rougir. Elle ne put se résoudre à lui demander s'il n'avait pas parlé d'elle comme de la femme d'un autre homme. « Vous le savez très bien, » dit-elle. « Je vous demande, comme à un homme d'honneur, si vous n'avez pas parlé de moi comme vous n'auriez pas parlé de votre sœur. Ou plutôt, je ne vous le demanderai pas, » continua-t-elle, voyant qu'il ne répondait pas sur le champ. « Je ne veux pas vous obliger à répondre à cette question. Le docteur Grantly m'a rapporté vos paroles. » « Il est vrai que le docteur Grantly m'a demandé mon avis et que je l'ai donné. Il me demandait... »« Je le sais, monsieur Arabin. » »« Il vous demandait s'il ferait bien de me recevoir à Plumstead, dans le cas où je continuerais mes relations avec une personne qui se trouve déplaire également à vous et à lui. »« Vous vous trompez, Mrs. Bold. » »« Je ne connais point personnellement monsieur Slope. Je ne l'ai vu de ma vie. » »« Vous ne lui en êtes pas moins hostile. » « Peu m'importe que votre inimitié soit fondée ou non, mais j'étais en droit d'attendre que mon nom fût tenu en dehors de vos hostilités. Vous ne l'avez pas fait. J'ai été de votre part l'objet d'un traitement injurieux et cruel. Je dois avouer que j'attendais de vous d'autres procédés. » Elle parvint à retenir les larmes qui lui montaient aux yeux. Si elle les avait laissées couler, si elle n'eût pas étouffé ses sanglots, M. Arabin aurait été sur le champ attendri. Il eût imploré son pardon. Peut-être fut-il tombé à genoux pour lui déclarer son amour. Tout se serait expliqué, et Eleanor fut retournée à Barchester, le cœur tranquille et satisfait. Qu'il lui eût été facile de pardonner et d'oublier les soupçons de l'archidiacre, s'il avait appris de M. Arabin toute la vérité. Mais elle ne pleura pas, et M. Arabin ne s'attendrit pas. « Vous êtes injuste pour moi, » dit-il. « Le docteur Grantly me demandait mon avis, j'ai dû le lui donner. » Le docteur Grantly s'est mêlé de choses qui ne le regardaient pas. J'ai aussi bien que lui le droit de choisir mes relations. Que m'auriez-vous répondu si je vous avais consulté sur la convenance de fermer ma maison au docteur Grantly parce qu'il connaît Lord Tottenham Corner ? Je suis sûr que Lord Tottenham n'est pas pour un ecclésiastique une connaissance plus recommandable que M. Slow pour la fille d'un ecclésiastique. Je ne connais pas Lord Tottenham Corner. Non, mais le docteur Grantly le connaît. Je ne m'inquiète pas de savoir s'il connaît tous les jeunes lords qu'on peut rencontrer sur un champ de course. Je ne me mêle pas de ses affaires. Qu'il ne se mêle pas des miennes. Il m'est pénible de n'être pas de votre avis, Mrs. Bold. Mais puisque vous m'avez parlé sur cette matière, et particulièrement pour me blâmer du peu que j'en ai pu dire, je veux vous faire savoir en quoi mon opinion diffère de la vôtre. La situation sociale du docteur Grantly lui donne le droit de choisir ses relations en tenant compte de certaines considérations et du jugement qu'en peuvent porter ses supérieurs. S'il se rapproche de personnes dont la fréquentation n'est pas convenable pour un homme de sa position, l'évêque peut intervenir. Ce que l'évêque est pour le docteur Grantly l'est pour vous. « C'est ce que je nie absolument !» s'écria Eleanor, bondissant du sofa, les yeux étincelants. M. Arabin ne l'avait jamais vue si excitée, ni à beaucoup près si belle. « Je le nie absolument, » répéta-t-elle. « Le docteur Grantly n'a aucun droit sur moi. Oubliez-vous donc, vous et lui, que je ne suis pas seul dans ce monde. Oubliez-vous que j'ai un père. Le docteur Grantly l'a, je crois, toujours oublié. De vous, monsieur Arabin, j'aurais reçu un avis. parce qu'il m'aurait été donné comme par un ami à un ami, et non comme par un maître d'école à un élève. Peut-être cet avis n'aurait-il pas été le mien. Dans la question qui nous occupe, il n'aurait pas été le mien. Mais m'eussiez-vous parlé de votre ton et avec votre franchise habituelle, je ne me serais pas fâché. Mais voyons, était-il d'un galant homme, monsieur Arabin ? De parler de moi d'une manière si peu respectueuse, si... Je ne saurais répéter ce que vous avez dit. Était-il juste à vous de conseiller au mari de ma sœur de me chasser de chez lui parce qu'il me plaisait de connaître un homme dont vous désapprouvez la doctrine ? Je ne puis faire autre chose, Mrs. Bold, dit-il, adossé à la cheminée, les yeux fixés sur le tapis, et parlant d'une voix lente et calme, que de vous faire connaître ce qui s'est passé entre le docteur Grantly et moi. Eh bien ? Fit-elle, voyant qu'il s'arrêtait un moment. Je crains que ce que j'ai à dire ne vous fasse de la peine. Cela ne m'en peut faire plus que je n'en ai eu déjà. Le docteur Grantly me demandait si je trouvais qu'il serait prudent à lui de vous recevoir dans sa maison comme la femme de M. Slope, et je lui ai dit que c'était selon moi très imprudent. Considérant qu'il était tout à fait impossible que M. Slope... « Je vous remercie, M. Arabin, cela suffit. »« Je n'ai nul besoin de connaître vos raisons, » dit-elle. « J'ai eu avec cette personne des relations banales de voisinage. Et pour cela, parce que je n'ai pas partagé l'aversion et la haine que vous et le docteur Grantly croyez dues à tous ceux qui n'ont point vos idées, vous concluez que je vais l'épouser. Ou plutôt, vous ne concluez pas cela. Pas un homme raisonnable ne saurait tirer d'un fait aussi insignifiant une aussi monstrueuse conclusion. Non. Me voyant dans une position où une accusation de ce genre doit m'être très pénible, vous la dirigez contre moi, afin de me contraindre, par l'intimidation, à faire cause commune avec vous. » En finissant ces paroles, elle se dirigea vers la porte qui donnait sur le jardin et sortit, laissant M. Arabin occupé encore à compter les dessins du tapis. Il avait néanmoins entendu distinctement et pesé chacune des paroles de Mrs. Bold. N'était-il pas évident, d'après ce qu'elle avait dit, que l'archidiacre s'était trompé en lui imputant de l'attachement pour M. Slope ? N'était-il pas évident qu'Eleanor était libre encore de faire un autre choix ? Et pourtant, un doute lui restait. Eleanor n'avait pas nié expressément le fait qu'on lui reprochait. Elle n'avait pas dit formellement que ce projet de mariage était faux. M. Arabin connaissait peu le cœur des femmes. Autrement, il aurait vu qu'Eleanor ne pouvait vraiment faire une déclaration plus explicite. Il demeurait là, les yeux fixés sur le tapis, malheureux des paroles sévères qui lui avaient été adressées, heureux, délicieusement heureux à la pensée qu'après tout, la femme dont il faisait tant de cas ne deviendrait pas l'épouse d'un homme qu'il n'aimait pas. C'est à ce moment qu'il sentit pour la première fois qu'il l'aimait. 40 années avaient passé sur sa tête, et jusqu'alors, la beauté d'une femme ne lui avait jamais donné une heure de souci. Pour la première fois, il était soucieux et mal à l'aise. Après un quart d'heure, se sentant de plus en plus envahir par l'amour et ayant désormais toute raison de croire qu'Eleanor était libre d'accueillir cet amour, il la suivit dans le jardin pour lui faire connaître ses sentiments. Il ne fut pas long à la trouver. Elle allait et venait dans l'allée d'ormes qui bordait le cimetière. L'entretien qu'elle venait d'avoir avec M. Arabin ne tendait pas, hélas, à diminuer son irritation. Elle éprouvait de la colère contre lui plus que contre tout autre. Comment avait-il pu la comprendre si mal ? Elle l'avait admis dans son intimité. Elle lui avait toujours laissé toute liberté de parole. Elle avait accepté ses idées, s'était intéressée à ses projets, à son bien-être. Elle lui avait montré toute l'amitié qu'une jolie femme peut montrer à un célibataire sans se compromettre et sans engager ses sentiments. Oui, telle avait été sa conduite à elle, et lui, pendant ce temps, la considérait comme la fiancée d'un autre homme. Tandis qu'elle parcourait ainsi l'allée, quelques larmes mouillaient ses joues, malgré elle, et tout en les essuyant, elle frappait du pied dans son dépit d'avoir été si injustement traitée. M. Arabin était tout près d'elle quand elle l'aperçut. Elle tourna court et s'éloigna dans l'allée, essayant de faire disparaître les traces de ses larmes révélatrices. C'était peine inutile. M. Arabin était dans une situation d'esprit qui ne lui permettait guère d'observer de semblables bagatelles. Il la suivit et l'atteignit au moment où elle arrivait à l'extrémité de l'allée. Il ne s'était pas demandé comment il allait renouer la conversation avec elle. Il avait seulement senti qu'il était malheureux de s'être querellé avec elle, qu'il serait heureux de pouvoir lui avouer son amour. Pourtant, il ne pouvait s'abaisser jusqu'à lui demander pardon. Il n'avait pas de tort à se reprocher à son égard. Il ne l'avait pas calomnié. Il ne l'avait pas outragé comme elle l'en avait accusé. Il ne pouvait confesser des fautes qu'il n'avait pas commises. Le passé était le passé. Il ne pouvait parler que de l'avenir. « J'espère que nous ne nous séparons pas en ennemis, » dit-il. « Il n'y aura chez moi aucune inimitié, » dit Eleanor. « C'est un sentiment que je repousse. Mais il serait peu sérieux de dire qu'une amitié vraie peut exister entre nous après ce qui s'est passé. On ne fait pas des amis de ceux qu'on méprise. Et vous me méprisez? C'est moi que vous deviez mépriser quand vous avez pu parler de moi comme vous l'avez fait. J'étais déçu, cruellement déçu. Je croyais que vous aviez bonne opinion de moi, que vous m'estimiez. « Que j'avais bonne opinion de vous, que je vous estimais » dit-il. « Ce sont des mots bien faibles pour vous faire comprendre mes sentiments. » Il s'arrêta quelques moments, et Eleanor sentit son cœur battre violemment, tandis qu'elle attendait qu'il continuât. « Je vous ai estimé, je vous estime, comme jamais je n'ai estimé de femme. Avoir de vous bonne opinion, je n'ai jamais eu si bonne opinion d'aucune créature humaine. Vous calomniez, vous insultez, être délibérément injuste envers vous. Je voudrais que ce fût mon droit de vous protéger contre la calomnie, l'insulte, l'injustice. Calomnier. Oui, peut-être, la calomnie eût-elle mieux valu qu'une adoration coupable, plus que coupable, inutile. » Et il continuait de marcher près d'elle, les mains serrées derrière son dos, regardant le gazon qu'il foulait, et ne trouvant point les paroles qui eussent exprimé toute l'intensité de ses sentiments. Eleanor marchait à côté de lui, bien déterminée à ne lui donner aucune aide. « Ah, malheureux !» dit-il enfin, se parlant à lui-même. « Malheureux !» Ces promenades de Plumstead eussent été charmantes pour qui aurait eu la paix du cœur. Sans cette paix, les pierres muettes et mortes d'Oxford étaient bien préférables. Saint-Évold aussi. « Mrs. Bold, je commence à croire que je me suis trompé en venant ici. Un prêtre romain n'eût pas été exposé à tout ce qui m'arrive. Oh, Dieu du ciel! Quel bienfait c'eût été pour nous si vous nous aviez accordé d'être dirigés par une règle sûre! Et n'avons-nous pas une règle sûre, monsieur Arabin? Si, si, sans doute. Ne nous induisez pas en tentation, mais délivrez-nous du mal. Mais qu'est-ce que la tentation? Qu'est-ce que le mal? Ceci, est-ce le mal? Est-ce la tentation? Pauvre monsieur Arabin! Elle ne pouvait sortir de sa bouche les paroles qui eussent exprimé son amour profond. Il ne savait comment dire à la femme qui était là à ses côtés, « Puisque vous n'aimez pas cet autre homme, puisque vous ne devez pas l'épouser, pouvez-vous m'aimer moi et être ma femme ?» Voilà quelles paroles étaient dans son cœur, et tous ses soupirs ne les en faisaient pas jaillir. Il eût tout donné pour pouvoir faire cette simple question. Mais si habile parleur qu'il fût dans la chair, sur une estrade, il ne trouvait pas un mot pour rendre ce qu'il sentait si vivement dans son cœur. Et pourtant, Eleanor le comprenait aussi bien que s'il avait déclaré sa passion avec l'abondance la plus élégante et la plus facile. Son instinct de femme lui permettait de suivre tous les sous-entendus de sa pensée quand il parlait de l'agrément de Plumstead, des pierres d'Oxford, et quand il faisait allusion à la situation sûre d'un prêtre romain et au péril caché de la tentation. Elle savait que sous tout cela il y avait de l'amour. Elle savait que l'homme qui marchait à côté d'elle, ce savant accompli, cet orateur consommé, ce grand polémiste faisait effort, faisait de vains efforts pour lui dire que son cœur n'était plus désormais à lui. Elle le savait et éprouvait une sorte de joie à le savoir. Pourtant, elle ne voulait pas venir à son aide. Il l'avait gravement offensé, il l'avait indignement traité, d'autant plus indignement qu'il l'aimait. Et Eleanor ne pouvait se résoudre à abandonner sa vengeance. Elle ne se demandait pas si elle finirait ou non par accepter son amour. Elle ne s'avouait même pas que cette révélation lui causait du plaisir. À ce moment, son cœur n'était pas encore touché. La blessure de son orgueil en éprouvait quelque soulagement. Sa vanité en était flattée. M. Arby n'avait pas craint d'associer au nom de celle qu'il aimait celui de M. Slope. Maintenant, c'était le sien qu'il aurait voulu y associer. Elle se promenait donc près de lui, respirant l'encens de ses paroles, mais s'interdisant tout signe de satisfaction et d'apaisement. « Répondez à cette question, » dit M. Rabin, s'arrêtant soudain et regardant en face Mrs. Bold. « Répondez à cette seule question. Vous n'aimez pas M. Slope. Vous n'avez pas l'intention d'être sa femme. » M. Rabin faisait fausse route. Ce n'était pas là le moyen de vaincre une femme comme Eleanor. Au moment même où son irritation se calmait, s'éteignait sous le souffle de cet amour si évidemment sincère, quoique non déclaré encore, il la rallumait par une inutile répétition de sa première faute. S'il avait pu comprendre quel changement était en voie de se produire, il n'aurait jamais plus mentionné le nom de M. Slope avant le moment de s'être assuré la possession du cœur d'Eleanor. « Je ne répondrai pas à une semblable question, » dit-elle, « et qui plus est, je vous dirai que rien ne la justifie dans votre bouche. Bonjour. » Et se disant, elle traversa la pelouse et rentra dans la salle à manger, où elle retrouva son père et sa sœur. Une demi-heure après, elle était en voiture et quittait Plumstead sans avoir revu M. Arabin. Il se promena longuement et tristement sous les sombres arbres qui ombrageaient le cimetière. Il avait quitté le parc de l'archidiacre pour échapper aux regards et errait parmi les tertres gazonnés qui couvraient la dépouille de tant de beautés oubliées de Plumstead. Les dernières paroles d'Eleanor sonnaient à ses oreilles comme un glas funèbre. Il ne pouvait comprendre qu'elle montrât tant d'irritation, tant d'indignation, et que ses sentiments violents ne fussent pas inconciliables avec un commencement d'amour pour lui. Il ne pouvait encore deviner si M. Slope était ou non un rival favorisé. Sinon, pourquoi aurait-elle refusé de répondre à sa question ? Pauvre M. Arabin, que vous étiez ignorant avec toute votre science. Comment, à 40 ans, pouviez-vous connaître si peu le cœur de la femme ?